On va parler du March Madness. On va faire le bilan de cette première semaine avec notre collaborateur Philippe Urtubé. Salut Philippe. Salut. Philippe, écoute, la première fin de semaine, qu'est-ce qu'on dit? C'est sûrement Oral Roberts qu'il faut marquer. C'est incroyable. On l'avait dit, il y a toujours une petite université qui arrive de nulle part puis qui fait parler d'elle. Et c'est arrivé avec Oral Roberts qui a battu Ohio State et qui a battu la Floride en fin de semaine. Oui, puis c'est incroyable. Là. Juste les deux clubs, là, Florida et Ohio State, là, c'est quand même deux méga grosses universités avec des millions et millions de budgets. Ouais. Et que Oral Roberts réussit ça passe au travers de ça, c'est Cendrillon, carrément. Mais ceux-là qui suivent le basketball de très très proche disent, prétendent que c'est pas vraiment une surprise. Oui, c'est une grande surprise, mais pas tant que ça parce que. Le meilleur joueur de Oral Roberts, c'est lui qui domine les pointages, qui est le meilleur marqueur de la NCAA. Oui, c'est vrai. Puis ce qu'il faut dire, ben, dans le fond, là, on s'attendait à un match très serré contre Ohio State. Ça c'était calé. Mm. Donc, c'est pas tant une surprise. D'ailleurs, je les avais pris dans mon pool, Oral Roberts. Okay. Mais qu'ils se rendent au Sweet 16 et qu'ils passent par-dessus deux upsets. Là, c'était comme jouer un petit peu contre les odds. Là, mais non, c'est pas complètement loufoque qu'Oral Roberts a réussi à passer contre Ohio State. Puis comme tu dis, là, le joueur que tu parles en question, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce gars-là, au high school, là, avait à peu près 2 points de moyenne par match. Là. Okay. Lui, son chemin, dans le fond, là, c'est qu'il a décidé de jouer dans des ligues un peu plus faibles pour avoir plus de temps de jeu, okay. Se faire voir. Il a envoyé des vidéos à des universités. Oral Roberts ont décidé de lui faire une offre concrète dans le fond de bourse Division 1. Et regardez, maintenant, c'était un des meilleurs scoreurs, c'est un des meilleurs scoreurs de la NCAA cette année là, comme senior. Donc, vraiment, autant pour le joueur que pour le club, là, c'est comme l'apogée du succès. OK. Et il affronte Oregon qui dans le Sweet 16. Donc, c'est pas impossible qu'il se rende jusqu'au Elite 8. Là. Oregon, c'est assez prenable aussi. Là. Tu sais, c'est une équipe qui est prenable pour Oral Roberts. Je pense qu'on se trompe. Hein. C'est Arkansas qui vont jouer. Oregon okay. va jouer USC, dans le fond. Okay. Donc, Arkansas. Puis Arkansas, ça va être un peu plus difficile, honnêtement. Je pense que la force de Arkansas, c'est la transition, puis c'est le physique des gars. Okay. Là, sont immenses, sont athlétiques, puis ça va faire un petit peu mal paraître par moment chez Oral Roberts. J'aurais un pari à faire, ça serait pas sur eux, par exemple, pour avancer dans les Elite 8. Okay, je pense que le règne va s'arrêter au Sweet 16. Je me trompais, c'était avec l'autre équipe qu'Oregon, c'est l'Iowa Chicago. Eux autres aussi, là, avec Sœur Jeanne, eux aussi, c'est la deuxième grande surprise. Mais eux, ils avaient fait un coup là, 2-3 ans, là. Oui, exact. Je pense qu'il s'était même rendu jusqu'au. C'est-tu au Elite 8 ou au Final Four? Oui. C'était au Elite 8. Elite 8, ça s'est rendu au Elite 8. Ouais. Exact. Avec Jane Sister, dans le fond, là, ils ont une espèce de madame qui est une icône de l'université, oh, oui, qui est une sœur dans la vie, qui a plus de 90 ans. Là, pour vrai, Loyola Chicago, là, c'est, écoute, qui répète l'expérience 2 ans après, parce que l'année passée, il n'y a pas eu de March Madness. Mm. Mais voilà 2 ans, ils ont fait les mêmes upsets. Puis, savez-vous quoi? Ils vont jouer contre Oregon State. Et Oregon State. C'est prenable. Ça, c'est vraiment prenable. Puis, même, je crois que Loyola Chicago devrait gagner ce game-là. Ils vont se joindre, dans le fond, au Elite 8. Ils pourraient même espérer aller plus loin parce que. Dans le bas du tableau, c'est Syracuse-Houston. C'est battable aussi pour Loyola Chicago. Oui, une équipe qui a su le momentum, donc il pourrait se rendre jusqu'au Final Four, effectivement. Là. Oui, vraiment. OK. Dans les autres, et Loyola Chicago qui ont battu les noms et qui étaient, je te dirais, une des 5 grandes équipes là, qui faisait partie des favoris. Là. Totalement raison, puis je te dirais... quasiment la deuxième meilleure dans les 2-3 semaines avant justement le March Madness. Illinois était en feu raide là, comme club en ce moment, donc assez surprenant. Ça se demandait, est-ce que Illinois, justement, on parle souvent dans une planification annuelle, est-ce qu'ils ont eu leur pic de performance trop tôt? Ils sont arrivés dans le fond dans le March Madness un peu flat et se sont fait sortir. OK. Dans les autres, Loyola Chicago, Dans les autres, il y a Villanueva contre Baylor. Baylor devrait l'emporter assez facilement. Oui, assez facilement. Le meilleur joueur de Nova, il est blessé. Ils ont eu un chemin, tu ne veux pas, Purdue qui se fait sortir contre North Texas, c'était vraiment, vraiment, encore une fois, un autre gros upset. North Texas n'avait pas le physique pour jouer. Puis, tu sais, Jay Wright, là, qui est le coach de Nova, il faut lui donner. Là, c'est un des meilleurs coachs défensifs de toute la NCAA. Donc, très difficile de marquer des points contre Nova. Mais à un moment donné, pour gagner les games, il faut que tu en marques aussi. Ouais. Puis là, ben, le meilleur joueur de Nova est blessé. Ils feront pas le poids comme Baylor. Syracuse, avec le Québécois Quincy Guerrier, qui va affronter Houston. Je pense que ça va se terminer pour Houston assez. Ça pourrait se terminer assez vite pour Syracuse là, contre Houston. C'est toujours le match-up zone. Hein? Ouais. Le Jim Boeheim veut pas, contrôle bien le panier. Ses joueurs, ils lancent énormément de trois points. Hein? Bobby Boeheim, qui est le fils du coach, j'ai oublié le nom de l'autre guard, le blanc, qui joue avec lui. Là. En deux matchs, ils ont plus de 23 points de réussite. Donc, ce qui est assez exceptionnel. Maintenant, ben. Et le match-up zone, s'ils sont en feu, Syracuse pourrait encore une fois l'emporter parce que moi, ce que je trouve incroyable, c'est justement c'est dans le bas du match-up zone où Quincy Guerrier d'ailleurs joue, puis en ce moment, il est exceptionnel. La dernière game, il y a eu trois blocs au-dessus de 10 rebonds. Vraiment, là, comme défensive en ce moment, moi, je suis un gros fan de défensive de Syracuse. J'ai l'impression qui ont une chance encore contre Houston. Est-ce que tu penses que ça pourrait faire monter au repêchage? Parce que je sais qu'il est classé deuxième ronde, pas mal en deuxième ronde. Est-ce que March Madness peut aider à faire monter les enjeux ou c'est pas mal déjà réglé? Non, je pense que dans son cas, ça peut vraiment l'aider. Ouais. Là, Danny. Et surtout cette année, le draft est tellement faible, Danny, cette année, que je crois que si Quincy démontre il continue à faire les performances, surtout le match contre West Virginia. Je te dirais que le match avant contre San Diego State, c'était correct, mais contre West Virginia, Quincy, là, il a vraiment ressorti. Alors, s'il peut répéter ces choses-là, surtout quand on rentre contre Houston, par la suite, il va avoir de l'exposure, puis d'après moi, oui, ça peut l'aider là, pour son mock draft. Puis, pouvoir monter ou au moins s'assurer qu'il soit pris en deuxième ronde. Gonzaga, que moi je pensais que, ben je le pense encore, je suis pas sûr qu'ils vont gagner cette année parce que maintenant, tu sais, la loi de la moyenne va les rattraper selon moi, là, ça vaut ce que ça vaut, là, mais tu sais, ils sont invaincus, eux n'ont pas eu trop de misère en fin de semaine. Il faut dire que c'est des grands favoris. Là. Oui, c'est ça, ils sont vraiment numéro un. Ouais. Va affronter Creighton. Tu sais, Creighton, c'est extrêmement bien coaché. Est-ce que Creighton pourrait être une surprise? Pourrait sortir, puis ça pourrait être... Ben, je pense que oui, à cause de lui lancer de 3 points. Et Creighton, en feu, est pas battable, dans le fond. Là. Donc, si le 3 points se mettent à tomber là, durant le match, ça se peut que les Aggs commencent à trouver le temps long. Puis c'est un peu ça qu'il va falloir qu'ils essaient de provoquer. Puis Gonzaga aussi aligne toujours deux big men sur le terrain, alors que Creighton va essayer d'espacer, dans le fond, la défensive des Aggs. Alors, j'ai hâte de voir les ajustements. Je te dirais, là, s'il y avait une game où le coaching va avoir vraiment un gros enjeu, ça va être sûrement le Gonzaga-Creighton, de voir les ajustements de ces deux groupes. Et Creighton, c'est une belle université qui n'a pas grand moyen, mais qui est quand même bien dirigée. Eux, c'était rendu au Final Four il y a quelques années, là. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis comme tu as dit, là, ils ont pas le budget des écoles comme Indiana puis ces grosses écoles-là. Okay. Donc, Florida State contre Michigan. Michigan qui a connu une fin de saison difficile dans le calendrier. À un moment donné, on les mettait quasiment favoris pour gagner le Big Ten. Ils n'ont pas gagné le Big Ten, mais ils ont quand même assez bien figuré en fin de semaine. C'est une équipe oui. de talent. Là. Oui, mais Florida State, à mon avis, de ce match-up-là, devrait le gagner. Écoute, ils ont écrasé Colorado, Florida State, là, mais ça n'était même pas drôle. Là. J'ai arrêté d'écouter le match tellement que c'était vraiment, vraiment, vraiment une bonne volée qu'ils ont donnée. Puis Michigan manque un des top joueurs de la NC aussi qui est blessé pour la saison. J'ai vraiment l'impression que Florida State vont passer au travers de Michigan. OK. Maintenant, UCLA contre Alabama, ça devrait être assez facile pour Alabama? Écoute, UCLA me surprennent. J'ai tendance à dire, comme toi, Danny, là, Alabama, normalement, devrait passer ça assez facilement. Mais Caroline, je te dirais, ils jouent bien. C'est sûr qu'ils n'ont pas eu des gros match-up. BYU ne sont pas sortis. Puis Abilene Christian University, bon, ben, ça aussi, c'était vraiment une grosse surprise. Athlétiquement, ils ne pouvaient pas suivre. Mais écoute, tout est à prévoir rendu là. Mais oui, je pense qu'Alabama devrait s'en sortir. Et le dernier match qui devrait être un match quand même intéressant, très intéressant. C'est probablement le plus serré de toutes les cette division-là. Ça aura lieu dimanche. C'est-tu dimanche? Oui, dimanche à 9h45, Oregon contre USC. Le match, écoutez, ouais. Tu as totalement raison. S'il y a vraiment une game, là, ben, de l'autre du tableau, là, tantôt je parlais de Zach Creighton, parce que ça dépend si Creighton joue bien, mais il y a une chose qui est sûre, le match de USC-Oregon, c'est sûr à 100% que ça va jouer dans les dernières séquences. C'est deux clubs incroyables, très athlétiques. Les deux clubs avaient comme pas de bon sens d'être classés aussi bas que ça. Tu sais, USC en 6 et Oregon en 7, je comprends pas pourquoi ils ont été classés à ce niveau-là. Ils auraient dû être beaucoup plus haut, là, tant qu'à moi. Mais regarde, rendu là, ils sont rendus dans la Sweet 16 puis ils doivent s'affronter. Mais vraiment, là, ça va être le meilleur match. OK. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec Oral Roberts et Loyola Chicago. Donc, on va surveiller ça d'après pour on s'en reparle à quelque part mardi, mercredi prochain, Philippe. Oui, c'est parfait, mardi ou mercredi. Voilà, donc Philippe Urtubise qui nous parlait de ce qui se passe au Marshman.